parler de d'homme fort, l'homme fort de notre boom ceci, Jackie Willett, était en fin de semaine en compétition. C'était les championnats canadiens. Ça conclut évidemment sa saison. Question de savoir davantage pour ça. Où il a pris la septième rang. On lui parle. Salut Jackie. Salut. Jackie, je me trompe pas en disant que c'était la fin de la saison avec ces championnats-là. Oui, on terminait avec le championnat canadien. OK. Puis septième position. Et j'imagine que, dans l'ensemble, est-ce que tu es content? Je suis quand même content avec le peu d'entraînement que j'ai pu faire. J'ai pas pratiqué beaucoup d'épreuves parce que je travaille à Chibougamau, en forêt. Fait que j'ai pas pu m'entraîner beaucoup. L'année prochaine, ça va être complètement différent. OK. Quand tu dis que t'as pas eu beaucoup d'entraînement, tes adversaires, eux, s'entraînent pratiquement à temps plein là-dessus? À temps plein. S'ils sont à Québec, ils sont en groupe, c'est plus facile pour eux autres. Ils s'encouragent un et l'autre, puis ils sont dans des structures de fond, ouais. Puis ils s'entraînent, puis ils pratiquent tout. OK. Quelle compétition, pour terminer en septième position, il y avait combien d'hommes forts qui étaient présents chez les championnats canadiens? Hein? Il y avait 14 hommes forts, les plus forts de toutes les régions, là, le Québec, Vancouver, toutes les places, là, l'Ontario. OK. C'est tout plus fort autour du Canada. OK. Et quel genre d'épreuve qu'on vous a fait faire pour cette compétition-là? La bûche en rep, les pierres de classe, transport d'auto, des medley. Okay. Des medley, c'est transporter des objets comme une pierre tombale de 400 livres avec un yoke de 850 livres. Et des épreuves comme ça, tirer une vanne assise de 32 000 livres. OK, OK. C'est pas... Ça ressemblait pas mal à ça. Puis ça, est-ce qu'en entraînement, ce genre de compétition-là, t'as la chance de le pratiquer? Ben là, c'est. Pour la pratique, c'est avec le temps qu'on a. OK. Comme moi, j'étais. Ça, on pointe tous les hommes forts du Canada, puis ils ont le même cheminement que moi les deux dernières années. Je pense pas qu'ils pourraient arriver dans cette position. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est vraiment la force brute, là, puis même les hommes forts, ils traitent sur mon cas, ils savent que je m'entends pas beaucoup, puis ils savent de ce qui m'est arrivé les deux dernières années, puis ils trouvent que j'ai vraiment une force brute. Moi, ils disent que je suis un vrai homme fort. Parce que les autres, ils se reconnaissent comme des athlètes de force. Un athlète de force, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui prend ça au sérieux. Moi, c'est pas que je prends pas ça au sérieux, c'est que... Et cette année. Ben oui, on sait ce qui s'est passé. Là. On ne viendra pas là-dessus, Jackie. Tu viens, tu as dit l'an prochain, ça va être différent. Là, j'imagine que, bon, ton travail te gruge quand même passablement de temps. Mais est-ce que tu vas avoir l'occasion de bien t'entraîner, de peut-être monter à Québec plus souvent, puis avoir plus de techniques, acquérir plus de moyens, quoi? Ben oui, à Chibougamau, je suis en train de... J'ai parlé avec le gars qui appartient à l'équipe, puis on est en train de m'ouvrir un petit studio d'homme fort. Okay. Il me dit que je peux apporter mes machines d'homme fort. Puis après ça, là, c'est à cause que je travaille beaucoup en forêt. Je travaille à 1 heure de Chibougamau, fait que là, ce soir, je finis à 6h30, puis je peux pas quitter l'alimentation. Ouais. Mais là, je suis en train de passer les cours de trucker. Je vais pouvoir travailler pour un de mes cousins. Je vais finir à 5h. Je vais pouvoir m'entraîner beaucoup plus pour l'année prochaine. OK, OK, OK. Donc, c'est sûr que c'est arrivé. Hey, dis-moi, Jackie, est-ce que c'est encore une compétition ou encore une discipline qui est relevée? Là, avant tes 2 ans, que tout le monde connaît ce qui s'est passé, là, est-ce que tu trouves que la discipline a changé pour le mieux? Est-ce que ça a progressé ou ça a resté au même statut ou ça a même où il y a moins d'hommes forts qu'avant? Non, là, l'homme fort est en train de prendre un grand pas, une nouvelle fédération. OK. Le sport va juste grandir, le sport il est plus connu, il commence à être plus connu, il va être plus diffusé à la télévision aussi. Okay. Dans le fond, c'est un ancien athlète d'homme fort qui a décidé de prendre ça en charge, puis c'est parti d'une nouvelle fédération, puis on a tout embarqué avec lui. Comme lui, il veut que ça fasse, il veut juste que ça grandisse, puis qu'on aille à l'année, puis qu'on peut faire ça dans les années d'autres. OK. C'est ça, je pense. Il y a combien d'hommes forts fédérés au Québec et au Canada actuellement? Ben, il y en a plusieurs. C'est comme que je dis, OK. On les connaît pas toutes, là. Il y en a beaucoup qui se pratiquent, mais qui ne rentrent pas aussi loin. OK, OK. Qui restent dans les régions. Il y a l'amateur, il y a le semi-pro, il y a le professionnel. Puis là, ils sont rendus, la nouvelle fédération, même les personnes de 160, 180 livres, là, ils peuvent compétir des choses de fort, mais c'est des catégories de poids. Ah, oh, OK. Et puis comme avant, là, c'est des gros gars. C'est monsieur, madame, tout le monde. Là, même les femmes, il y a des compétitions pour les femmes. OK, OK, OK. Hey, dis-moi, est-ce que, bon, je pense que tu es à C1, C2, 300 livres, mais une personne là, de 190, 200, 210, 220 livres, est-ce que ça peut battre un gars de 300 livres? Je m'explique par la façon de prendre ses poids, la façon de comment il compétitionne. Est-ce que ça peut arriver? Ben là, il y en a un, Jimmy Pocket de Québec. Son entraîneur, c'est Jean-François Coron. C'est un athlète de 250 livres. OK. Puis, cette année, il m'a battu deux fois sur cinq compétitions. C'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Puis, il y a vraiment le sport dans ce temps. Puis, mais c'est comme il dit, là, c'est l'entraînement. Puis, lui, qu'est-ce qu'il dit? Puis, c'est dans la tête que ça se passe. C'est sûr. Oui, ça peut arriver. Des petits bonhommes qui sont en train de diriger, qui sont quand même assez forts. Ça peut arriver. Mais 220 livres, c'est un super rêve. Il faut au moins en haut 250-260 livres. OK, OK. Ça dépend toujours de l'épreuve, des épreuves, parce que c'est toujours différent. Un cardio, c'est quoi qui est le mieux? Un cardio, des muscles ou un ensemble des deux? Dans le temps, tu fais du sport, puis aujourd'hui, dans le temps, c'était vraiment la force du groupe. OK. Ça a beaucoup changé. Il faut beaucoup pratiquer l'endurance, après ça, l'explosion, la force, les techniques. Tout ça rentre en ligne de compte. C'est pour tout le monde. Toi, moi, tu manques de cœur cette année. Moi, j'ai toujours eu une force génétique, une force. Ouais. Mais il me manquait beaucoup de cardio cette année. Avoir un petit peu plus de cardio, ça aurait peut-être bien. OK. C'est quoi courir Ben, la natation, okay. Courir ou faire des choses en explosion. OK, OK. Ben, mettons des plus petites charges, faire des plus grandes séries. Des choses comme ça, ça peut aider beaucoup. Bon. Faut pas toujours mettre pesant. OK, OK, OK. Ben, Jackie, on va te souhaiter la meilleure des chances. Certainement que 7e position avec le peu d'entraînement que tu as eu, ça doit t'encourager. On va continuer à te suivre l'an prochain, puis lâche pas, puis on va être avec toi. Merci beaucoup, puis tu veux remercier tes commanditaires? Oui, il n'y a pas de problème. Vas-y. Non, mais il y a deux athlètes aussi du Saguenay-Saint-Jean. Il y a Simon Boudreau qui a fini 3e de Jonquière. Okay. Je tiens à le féliciter. Puis il y a Vincent Lapointe de Saint-Augustin qui finit en 5e place. Fait qu'il y avait trop bleu au championnat canadien. Vincent Lapointe de Saint-Augustin. Ouais. Je viens de Saint-Augustin, je le connais pas. Fait que, c'est sûr, ça fait un beau bout de temps que je suis pas. Ouais, ben, ça fait un petit bout qui est parti, là, mais oui, il y a un autre qui vient de là-bas. Ah, OK. Bon, puis je sais que t'aimes remercier tes commanditaires. Je te vois sur les médias sociaux. La dernière entrevue qu'on avait faite, tu voulais remercier les commanditaires. Fait que je te laisse du temps. Oui, j'aimerais remercier Gilbert Rubé, Karen Landry, Hydraulique, après ça, Gabi Birubé, Garage, okay. Saint-Denis. J'en ai une couple d'autres, là, mais je les ai pas en main comme ça. Mais je tiens à leur remercier puis, de m'avoir aidé puis d'avoir cru en moi. Puis, je suis pas sûr qu'ils ne me lâcheront pas. Puis, l'année prochaine, ça va être complètement différent. Ça, c'est une promesse que je fais. Ben, il n'y a pas de problème. Ben, Jackie Ouellet, un gros, gros, gros merci. On se reparle l'an prochain à pareille date et tout au long de l'été. Parfait, merci beaucoup. Voilà l'homme fort de Dolboom. C'est Jackie Ouellet qui a terminé au 7e rang.